J'suis pas dans le bottin, j'suis parti à pêche à Manixis, juste pour voir si ça existe. Ça existe, capitaine, roule-moi ta réglé sa mitaine, jusqu'avant la migraine. Somebody shit, gotta be damn, plus beurre que Baby Bell. Boss rigole dans bon canadien pendant que Paris brette. Ça perd les popettes, kidnapping des petites popettes. Planque des ricochettes, sort le pistolet pour une hypothèque, check. Moi, il est dans la pichatine, dans la petite bassine, à l'essai d'être bad. Mais tout le monde sait qu'il a pris ses vitamines, qu'il a payé ses taxes. Puis qu'elle envoie mes fax en braille, les packs. T'as-tu des espades, nous mon smile de tes oignons. Sors le coton avec un smile de moron. 4,99, bœuf, bovin, no ton. Sors le recyclage juste pour aller au paradis. Réincarnation, les mêmes erreurs à chaque vie. 4 ou par semaine, mais jamais assez pour le taxi. Pas grave le mince, mais la main c'est magie, c'est pis t'es parti. Yeah, t'es parti, man. Yo, check, what the man. 19e siècle, là t'es 19 ans, t'as 19e belle. Pis ta petite meuf indienne, 1844, t'aurais trippé ben raide. Pis tes grands-parents le savent, ils ont trimé du pain de sec. Pèlerinage à Côte-Nord à cheval. M'en va checker là au bord, s'ils y'ont pas des sages-femmes. Ils n'ont plus sur Ottawa parce qu'il reste un bon jack. Mais il est pogné contre la botte, j'fais le casse du magasin général. Robert Nelson, plein le casse du baratin fédéral. Matin végétal, ça m'est ben égal. Légumes à la pleine lune, pogné dans. Brume. Mais pendant qu'ils ont peur, sans rideau dans les rues sombres. Ouais, j'fais des longueurs, un spito dans Pédition. Avec un galon de mazout, un hameçon de mammouth. Pas besoin d'une autre pratique, j'porte les caleçons de la coupe Stanley, y'a toujours sa cache. Sors le recyclage juste pour aller au paradis. Réincarnation, les mêmes erreurs à chaque vie. 4 ou par semaine, mais jamais assez pour le taxi. Pas grave le mince, mais la main c'est magie, c'est pis t'es parti. Yeah. T'es parti, man. Yo, check, voir de ma. Sure. De qui tu parles, tu m'as cherché. De qui tu vois, on m'a cherché. De qui tu parles, tu m'as cherché. De qui tu parles, tu m'as cherché. Tu vas chercher. Tu vois, ma chère. Chier. Oh, disparaît. La veille dans le chapeau. La voix s'appelle mince, écoute bien, tu vas reconnaître ma voix. Bon, on cherche le magicien, on recherche le minceur, l'objectif minceur, on va l'atteindre, là, franchement. C'est juste que, bon, le magicien, c'est un peu plus complexe, là, il faut démêler les cartes, tout ça, il faut se prendre des réservations au carnaval. C'est que garde le Bas-Canada plus mince que jamais, puis écoute, il n'y a pas de frontières. Salut, man.